Fedora les reçoit tous trois dans ses bras, en bénissant le dieu qui les ramène, et console sa fille des larmes que sa fille vient de lui coûter. Elle fait sécher ses bottes de poils d'écureuil, lui ôte son bonnet fourré, et peigne ses longs cheveux. Ces soins maternels, si simples et si tendres, qu'Élisabeth reçoit tous les jours, et dont son cœur est tous les jours plus touché, émeuvent vivement le jeune Smoloff. Il sent qu'il est impossible d'aimer Élisabeth sans aimer aussi sa mère, et qu'au bonheur d'être l'époux de cette jeune fille tient un bonheur presque aussi grand, celui d'être le fils de Fedora. L'orage était entièrement dissipé, le ciel était serein, la nuit s'approchait. Springer prit la main du jeune homme, la serra avec un sentiment douloureux et tendre, et lui rappela qu'il était temps de partir. Alors seulement Élisabeth apprit qu'il était venu pour la dernière fois. Elle rougit et se troubla. « Quoi ? » lui dit-elle. « Ne vous reverrai-je plus ?»« Ah » répond-il avec une grande vivacité. « Tant que je serai libre et aussi longtemps que vous habiterez ces déserts, je ne quitte plus Amica. Je vous verrai dans la forêt, dans la plaine, sur les bords du fleuve. Je vous verrai partout. » Il s'arrête subitement, surpris lui-même de ce qu'il éprouve et de ce qu'il exprime. Mais il n'a point été compris par Élisabeth. Dans ce qu'il vient de dire, elle n'a vu que la certitude de pouvoir bientôt lui confier ses projets. Et rassurée par cette espérance, elle le voit partir avec moins de regrets. Quand le dimanche fut arrivé, Élisabeth et sa mère se préparèrent de bonne heure à partir pour Saïmka. Springer leur dit adieu, le cœur un peu serré. Depuis leur exil, c'était la première fois qu'il restait seul dans sa chaumière. Mais il sut dérober son émotion à leurs yeux, et les bénit d'une voix calme, en les recommandant aux bontés du Dieu qu'elles allaient implorer. Le temps était beau, la route leur parut courte. La jeune paysanne tartare leur servit de guide dans la forêt et jusqu'au village de Saïmka. En entrant dans l'église, les regards de tout le monde se tournèrent vers elle, mais elles ne tournèrent les leurs que vers Dieu. Le cœur plein d'une égale piété, la tête baissée, elles s'avancèrent vers l'autel, se prosternèrent humblement, prononcèrent les mêmes vœux en faveur du même objet, et si ceux d'Élisabeth furent plus étendus que ceux de sa mère, Dieu ne les entendit pas moins. Pendant tout le temps de la cérémonie, cette jeune fille ne leva pas le voile qui couvrait son visage. Sa pensée, tout à Dieu et à son père, ne fut pas même jusqu'à celui dont elle attendait du secours. Le pieux concert de toutes les voix qui se réunissaient pour chanter l'hymne divin lui fit une impression profonde et qui tenait de l'extase. Elle n'avait jamais entendu rien de pareil. Il lui semblait voir les cieux ouverts et Dieu lui-même lui présenter un de ses anges pour la conduire pendant sa route. Cette vision ne cessa qu'avec la musique. Alors seulement Élisabeth leva la tête et le premier objet qu'elle vit fut le jeune Smoloff, debout à quelques pas, le dos appuyé contre un pilier, et les yeux fixés sur elle avec la plus tendre expression. Elle crut voir l'ange que Dieu venait de lui promettre, l'ange qui devait l'aider à délivrer son père. Elle le regarda avec beaucoup de reconnaissance. Smoloff fut ému. Ce regard lui semblait d'accord avec ce qu'il trouvait dans son propre cœur. En sortant de l'église, il proposa à Fedora de la reconduire dans son traîneau jusqu'à l'entrée de la forêt. Elle y consentit avec joie. C'était un moyen de retrouver plus tôt son époux. Mais Élisabeth éprouva un véritable chagrin de cet arrangement. En marchant à pied, elle se flattait de trouver le moment de parler en secret à Smoloff. Dans un traîneau, cela devenait impossible. Pouvait-elle s'ouvrir devant sa mère, qui, n'ayant aucune idée de son projet, le repousserait avec effroi et défendrait au jeune homme d'y donner le moindre encouragement? Cependant, allait-elle encore perdre cette occasion favorable, cette occasion peut-être unique, de révéler son projet à Smoloff? Le trouble, l'incertitude agitaient son cœur. Déjà le traîneau touchait aux premiers arbres de la forêt. Smoloff lui-même avait déclaré ne pouvoir pas aller plus loin. Cependant, ne pouvant se résoudre à quitter sitôt Élisabeth, il poussa jusqu'au bord du lac. Mais là, il fallut s'arrêter. Fedora descendit la première. En lui donnant la main, Smoloff lui dit « Ne venez-vous pas vous promener ici quelquefois ?» Élisabeth, qui descend après sa mère, répond d'une voix basse et précipitée « Non pas ici, mais demain, demain, dans la petite chapelle de la plaine. » Elle venait de donner un rendez-vous, mais elle ne le savait pas. Elle croyait n'avoir parlé que pour son père. Et en voyant dans les yeux de Smoloff qu'il avait entendu sa prière, une douce joie éclata dans les siens. Tandis que sa mère et elle marchent vers leur cabane, Smolov s'en retourne seul à travers la forêt, plongé dans les plus délicieuses rêveries. Après ce qu'il vient d'entendre, comment ne sera-t-il pas sûr d'être aimé d'Elisabeth? Et avec ce qu'il connaît d'elle, comment ne serait-il pas transporté de son bonheur? Ce ne fut point avec le trouble d'une démarche hasardée, mais avec toute la sécurité de l'innocence, qu'Elisabeth se rendit le lendemain à la petite chapelle de bois. Sa marche était plus légère, plus rapide. Elle faisait les premiers pas vers la délivrance de son père. Le soleil jetait sa lumière sur une plaine de neige. Mille glaçons attachés aux arbres multipliaient sa brillante image sous toutes les formes et dans des miroirs de toutes les grandeurs. Mais cet éclat si divin et si pur était moins pur et moins divin que le cœur d'Elisabeth. Elle entre dans la chapelle. Smolov n'y est point encore. Ce retard la trouble. Un léger nuage paraît dans ses yeux. Ah, ce n'est ni la vanité, ni l'amour qu'il y place. En ce moment, ni les faiblesses, ni les passions ne peuvent s'élever jusqu'à Elisabeth. Mais elle craint qu'un accident, une circonstance imprévue, n'arrête les pas de celui qu'elle attend. Inquiète, elle demande à Dieu de ne pas prolonger plus longtemps l'incertitude où elle vit. Tandis qu'elle prie, Smolov accourt. Il est surpris qu'elle l'ait devancé. Il s'était hâté beaucoup. On va vite sans doute quand c'est la passion qui entraîne. Mais Elisabeth venait de prouver en ce jour que la vertu qui court à son devoir peut aller plus vite encore. En voyant Smolov, elle lève les yeux et les mains au ciel, et se tournant ensuite vers lui avec une grâce vive et touchante. « Ah, monsieur, lui dit-elle, avec quelle impatience je vous attendais !» Ces mots, l'expression de ses regards, ce rendez-vous, l'exactitude qu'elle a mise à s'y rendre, tout confirme au jeune homme qu'il est aimé. Il va aussi dire qu'il aime. Elle ne lui en donne pas le temps. « Monsieur Smolov, s'écrie-t-elle, écoutez-moi, j'ai besoin de vous pour sauver mon père. Promettez-moi votre appui. » Ce peu de mots confond toutes les idées du jeune homme. Troublé, confus, il pressent sa maîtrise, mais n'en aime pas moins Elisabeth. Il tombe à genoux. Elle croit que c'est devant Dieu. Non, c'est devant elle. Il jure d'obéir. Elle reprend ainsi. « Depuis que j'ai commencé à me connaître, mes parents ont été ma seule pensée, leur amour mon unique bien, leur bonheur le but de ma vie entière. Ils sont malheureux. Dieu m'appelle à les secourir, et il ne vous a envoyé ici que pour m'aider à remplir ma destinée. Monsieur de Smolov, je veux aller à Pétersbourg demander la grâce de mon père. » Il fit un geste de surprise, comme pour combattre ce projet. Elle se hâta d'ajouter. « Je ne pourrais vous dire moi-même depuis quel temps cette pensée est entrée dans mon esprit. Il me semble que je l'ai reçue avec la vie, que je l'ai sucée avec le lait. Elle est la première dont je me souvienne. Elle ne m'a jamais quitté. Je m'endors, je m'éveille, je respire avec elle. C'est elle qui m'a toujours occupé auprès de vous. C'est elle qui m'amène ici. » C'est elle qui m'inspire le courage de ne craindre ni la fatigue, ni la misère, ni la mort, ni les rebuts. C'est elle qui me ferait désobéir à mes parents s'ils m'ordonnaient de ne pas partir. Vous voyez, monsieur Smolov, qu'il sera inutile de me combattre et que de pareilles résolutions ne peuvent être ébranlées. Pendant ce discours, les tendres espérances du jeune homme s'étaient toutes évanouies. Mais il goûtait jusqu'à l'ivresse le sentiment de l'admiration, et l'héroïsme de cette jeune fille lui arrachait des larmes aussi douces peut-être que celles de l'amour. « Ah !» lui dit-il, « heureux, mille fois heureux que vous m'ayez choisi pour vous entendre, pour vous aider. Mais vous ne connaissez point tous les obstacles. Deux seuls m'ont inquiété, » interrompit-elle, « et il n'y a peut-être que vous au monde qui puissiez les lever. Parlez, parlez !» lui dit-il, impatient d'obéir. « Que pouvez-vous demander qui ne soit au-dessous de ce que je voudrais faire ?»« Ces obstacles, les voici, » répondit Elisabeth. « J'ignore la route que je dois prendre. » Et je ne suis pas sûr que ma fuite ne nuise pas à mon père. Il faut donc que vous m'indiquiez mon chemin, les villes que je trouverai sur mon passage, les maisons hospitalières qui recueilleront ma misère, le moyen le plus sûr de faire passer ma requête à l'empereur. Mais avant tout, il faut que vous me répondiez que votre père ne punira pas le mien de mon absence. » Smolov en répondit. « Mais, ajouta-t-il, savez-vous à quel point l'empereur est irrité contre votre père? Savez-vous qu'il le regarde comme son plus mortel ennemi ? « J'ignore, dit-elle, de quel crime on peut l'accuser. Je ne connais encore ni son vrai nom, ni sa patrie. Mais je suis sûr de son innocence. »« Quoi, répartit Smolov, vous ne savez point quel était le rang de votre père, ni le nom que vous lui rendrez ?»« Non, je ne le sais point, répondit-elle. »« Oh, fille étonnante, s'écria-t-il, pas un mouvement d'orgueil, de vanité dans ton dévouement. Tu ne sais point ce que tu vas reconquérir. Tu n'as pensé qu'à tes parents. Mais qu'est-ce que la grandeur de ta naissance devant celle de ton âme ? Qu'est-ce auprès de tes sentiments le nom des... » « Arrêtez, » interrompit-elle vivement, Ce secret est celui de mon père, et je ne dois l'apprendre que de lui. » Elle a raison, répartit Smoloff dans une sorte d'enthousiasme. Rien n'est assez bien pour elle quand elle peut encore faire mieux. La jeune fille reprit la parole pour lui demander quand il lui donnerait les lumières dont elle avait besoin pour sa route. « Je vais y travailler, lui dit-il. Mais Élisabeth, croyez-vous que vous puissiez traverser les 3500 verstes qui séparent le cercle d'Ishim de la province d'Ingrie, seul à pied, sans secours ?»« Ah ! S'écria-t-elle en se prosternant devant l'autel, celui qui m'envoie au secours de mes parents ne m'abandonnera pas. » Smoloff, les yeux pleins de larmes, lui répondit après un moment de silence. « Il est impossible que vous songiez à une telle entreprise avant les beaux jours. Maintenant, elle serait impraticable. Voici la saison où les traînages vont être interrompus et où vous seriez inondé dans les forêts humides de la Sibérie. Je vous reverrai dans quelques jours, Élisabeth. Alors seulement je pourrai vous dire tout ce que je pense d'un projet qui m'a trop ému pour que j'aie pu le juger. Je retournerai à Tobolsk. Je veux parler à mon père. Mon père est le meilleur des hommes. » Il y aurait bien plus d'infortunés ici s'il n'y commandait pas. Les grandes actions plaisent à son cœur. Il n'est pas libre de vous aider. Son devoir lui défend. Mais, je vous le jure, il ne punira pas votre père d'avoir donné le jour à une fille si vertueuse. Ah, qu'il s'enorgueillirait, au contraire, de vous nommer la sienne. Élisabeth, pardonnez, c'est malgré moi que mon cœur se déclare. Je sais bien qu'il ne peut y avoir de place dans le vôtre pour un autre sentiment que pour celui qui l'occupe. Je n'attends donc rien. Mais s'il vient un jour où vos parents, rendus à leur patrie, soient heureux et vous tranquilles, souvenez-vous alors que dans ces déserts, Smoloff vous vit, vous aima, et qu'il eût préféré y vivre obscur et pauvre avec Élisabeth, fille d'un exilé, à tous les honneurs que le monde pourrait lui offrir. Il ne peut achever, des larmes étouffent sa voix. Lui-même s'étonne d'une si extraordinaire émotion, car jusqu'alors il n'avait jamais été faible, mais jusqu'alors il n'avait point aimé. Cependant, Élisabeth est demeurée immobile. L'idée d'un autre amour que l'amour filial lui paraît si nouvelle qu'à peine elle la conçoit. Peut-être lui eût-elle paru moins étrange si son cœur avait eu de la place pour la recevoir. Peut-être que si elle avait vu ses parents heureux, Smoloff aurait été aimé. S'ils le sont un jour, peut-être l'aimera-t-elle. Mais tant qu'ils seront dans l'infortune, elle demeurera fidèle dans sa pieuse passion. Pour en contenir deux, le cœur humain, tout vaste qu'il est, ne l'est point encore assez. Élisabeth n'a jamais vécu dans le monde. Elle en ignore les usages et les bienséances. Cependant, une sorte de pudeur, qui est comme l'instinct de la vertu, lui apprend qu'après l'aveu qu'elle vient d'entendre, une jeune fille ne doit point rester seule avec le jeune homme qui l'a osé faire. Elle marche vers la porte, elle va ouvrir. Smoloff, qui voit son dessein, lui dit « Élisabeth, vous aurais-je offensée ?» Ah, j'atteste ce Dieu ici présent, que s'il y a de l'amour dans mon cœur, il n'y a pas moins de respect. Il sait que si vous me l'ordonnez, je puis me taire et mourir. Comment donc, Élisabeth, pourrais-je vous avoir offensé ? Vous ne m'avez point offensé, répondit-elle avec douceur, mais je ne suis venu ici que pour vous parler en faveur de mes parents. Maintenant que vous m'avez entendu, je n'ai plus rien à vous dire, et je vais les retrouver. Eh bien, noble fille, retourne à ton devoir, en m'associant à lui. Tu m'as rendu digne de toi. Et loin de jamais songer à t'en écarter, même dans ma plus secrète pensée, je ne vais m'occuper que de t'aider à le remplir. » Alors il lui promit de lui remettre le dimanche suivant à l'église de Saïmka toutes les notes et les renseignements dont elle aurait besoin pour l'exécution de son projet. Et ils se séparèrent. Quand le dimanche arriva, Élisabeth suivit sa mère avec joie à Saïmka. Elle était impatiente de retrouver Smoloff et de recevoir enfin toutes les instructions qui allaient faciliter son départ. Cependant, la cérémonie finit et Smoloff ne parut point. Élisabeth devint inquiète. Pendant que sa mère priait encore, elle demanda à une vieille femme si M. de Smoloff n'était pas dans l'église. On lui répondit que non et qu'il était parti depuis 2 jours pour Tobolsk. À ce mot, Élisabeth fut frappée d'une véritable douleur. L'objet de ses plus chers désirs semblait toujours fuir devant elle au moment où elle se croyait prête à l'atteindre. 1000 craintes funestes la troublèrent. Puisque Smoloff avait quitté Saïmka sans se souvenir de sa promesse, qu'il lui répondait qu'il s'en souviendrait à Tobolsk. Et alors, quel serait son recours? Cette pensée la poursuivit tout le jour. Et le soir, accablée d'un chagrin d'autant plus cruel qu'elle emportait seule tout le poids et qu'elle employait tout son courage à le dérober aux yeux de ses parents, elle se retira de bonne heure dans son petit réduit afin de se livrer, du moins sans contrainte, à l'inquiétude qui la tourmentait. Aussitôt qu'elle fut sortie, Fedora pencha sa tête sur le sein de son époux. et lui dit « Écoute la sollicitude qui pèse sur mon cœur. N'as-tu pas remarqué le changement de notre Élisabeth ? Près de nous, elle est pensive. Le nom de Smoloff la fait rougir. Son absence l'inquiète. Ce matin, à l'église, elle était préoccupée. Ses regards erraient de tous côtés. Je l'ai entendue demander si Smoloff n'était point à Saïmka. Et elle est devenue pâle comme la mort quand on lui dit qu'il était parti pour Tobolsk. Oh Stanislas, je m'en souviens, dans ces jours qui précédèrent celui où je devins ton heureuse épouse. C'est ainsi que je rougissais quand on me parlait de toi. C'est ainsi que mes yeux te cherchaient partout, qu'ils se remplissaient de larmes quand ils ne te rencontraient pas. Et hélas, ces symptômes d'un amour qui ne devait point finir, comment ne les verrai-je point avec terreur dans l'âme de ma fille ? Elle n'est pas destinée à être heureuse comme sa mère. Heureuse, reprit Springer avec amertume, heureuse dans le désert, dans l'exil ? Oui, dans le désert, dans l'exil, interrompit vivement Fedora, heureuse partout où on l'aime. Et ses bras serrèrent son époux contre son sein. Mais bientôt, revenant à la première pensée qui l'occupait, elle dit « Je crains que mon Élisabeth n'aime le jeune Smoloff. Toute charmante qu'elle est, cependant il ne verra en elle que la fille d'un pauvre exilé. Il la dédaignera, et mon unique enfant, né de mon sang, nourri de mon lait, mourra comme sa mère, avec son amour. » En parlant ainsi, elle pleurait, et la vue de son époux, qui la console de tout, ne pouvait la consoler du malheur de sa fille. Springer réfléchit un moment, puis il répondit « Fedora, ma bien-aimée, calme tes craintes, j'ai étudié aussi notre Élisabeth. Peut-être ai-je vu plus avant que toi dans son âme. Une autre pensée que celle de Smoloff l'occupe tout entière, j'en suis sûr. Je suis aussi sûr que si nous la voulions donner à Smoloff, il ne la dédaignerait point, même dans ce désert. Et ce sentiment le rendrait digne de l'obtenir si jamais... Non, Élisabeth ne restera pas toujours dans ce désert. Elle ne demeurera pas inconnue. Elle ne sera pas malheureuse. Cela est impossible. » Tant de vertus sur la terre annonce une justice dans le ciel. Tôt ou tard, elle se montrera. Depuis leur exil, c'était la première fois que Springer n'avait pas désespéré de l'avenir. Fedora en conçut les plus doux présages. Et rassurée par les paroles de son époux, elle s'endormit paisiblement entre ses bras. Pendant 2 mois, Élisabeth alla chaque dimanche à Saïmka, s'attendant toujours à y trouver Smoloff. Ce fut en vain. Il ne parut plus. Et même elle apprit qu'il avait quitté Tobolsk. Alors toutes ses espérances l'abandonnèrent. Elle ne douta plus que Smoloff ne l'eût entièrement oublié, et plus d'une fois elle versa sur cette pensée des larmes amères, dont la plus pure innocence n'aurait pu lui faire un reproche. Vers la fin d'avril, un soleil plus doux venait de fondre les dernières neiges. Les îles sablonneuses des lacs commençaient à se couvrir d'un peu de verdure. L'aubépine épanouissait ses grosses houppes blanches, semblables à des flocons d'une neige nouvelle. Et la campanule, avec ses boutons d'un bleu pâle, le vélard qui élève ses feuilles en forme de lance et l'armoise cotonneuse tapissaient le pied des buissons. Des nuées de merle noire s'abattaient par troupes sur les arbres dépouillés et interrompaient les premiers le morne silence de l'hiver. Déjà sur les bords du fleuve, voltigeait çà et là le beau canard de Perse, couleur de rose, avec son bec noir et sa huppe sur sa tête, qui, toutes les fois qu'on le tire, jette des cris perçants, même lorsqu'on l'a manqué. Et dans les roseaux des marais, accouraient des bécasses de toute espèce, les unes noires avec des becs jaunes, les autres hautes en jambes avec un collier de plumes. Enfin, un printemps prématuré semblait s'annoncer à la Sibérie, et Élisabeth, pressentant tout ce qu'elle allait perdre, si elle manquait une année si favorable pour son voyage, prenait la résolution hardie de poursuivre son projet, et de ne compter, pour en assurer le succès, que sur elle et sur Dieu. Un matin, Springer s'occupait à labourer son jardin. Assise près de lui, Élisabeth le regardait en silence. Il ne lui avait point confié encore le secret de son infortune, et elle ne cherchait plus cette confidence. Il s'était élevé dans son âme une sorte de tendre fierté qui lui faisait désirer de ne connaître les malheurs de ses parents que quand elle serait au moment de partir, et de n'entendre le récit de tout ce qu'ils avaient perdu que quand elle pourrait leur répondre « Je vais tout vous rendre ». Jusqu'à ce jour, elle avait compté sur les promesses de Smoloff. Et c'était là-dessus qu'elle avait fondé des espérances raisonnables. Mais après les espérances, il en est d'autres encore, et ce furent celles-là qui la déterminèrent à parler. Cependant, avant de commencer, elle repasse dans sa tête toutes les objections qu'on va lui faire, tous les obstacles qu'on va lui opposer. Ils sont terribles, elle le sait. Smoloff le lui a dit, et elle est bien sûre que la tendresse de ses parents les exagérera encore. Que répondra-t-elle à leurs frayeurs, à leurs ordres, à leurs prières ? Que répondra-t-elle quand ils lui diront que les joies de la patrie ne sont rien pour eux au prix de l'absence de leur enfant? Un instant, elle oublie que son père est auprès d'elle. Et, tout en larmes, elle tombe à genoux en demandant à Dieu de lui accorder l'éloquence nécessaire pour persuader ses parents. Springer, qui l'entend pleurer, se retourne, court à elle, la prend dans ses bras, et lui dit « Élisabeth, qu'as-tu? Que veux-tu? Ah, si ton cœur est déchiré, pleure du moins dans le sein de ton père. » « Mon père, répond-elle, ne me retiens plus ici. Tu sais que je veux partir. Permets-moi de partir. Je le sens, c'est Dieu lui-même qui m'appelle. » Elle ne peut achever. La jeune tartare accourt. « Monsieur de Smoloff, leur dit-elle, voici Monsieur de Smoloff. » Élisabeth jette un cri de joie, serre les deux mains de son père contre sa poitrine en ajoutant « Tu le vois bien, c'est Dieu lui-même qui m'appelle. Il envoie celui qui peut m'ouvrir les chemins. Il n'y a plus d'obstacle. Oh mon père, ton heureuse fille brisera ta chaîne. » Sans attendre sa réponse, elle court au-devant de Smoloff. Elle rencontre sa mère, elle la serre dans ses bras, l'entraîne en s'écriant « Viens ma mère, il est revenu, Monsieur de Smoloff est ici. » Elles entrent dans leur chambre et y trouvent un homme de 50 ans, en habit d'uniforme, et suivi de plusieurs officiers. La mère et la fille s'arrêtent avec surprise. « Voici Monsieur de Smoloff, leur dit la jeune tartare. » À ces mots, toutes les espérances qui venaient de rentrer dans le cœur d'Élisabeth l'abandonnent une seconde fois. Elle pâlit, ses yeux se remplissent de larmes. Fédora, frappée de la vivacité de cette impression, s'approche de sa fille, se place devant elle afin de cacher son trouble. Heureuse si, en lui donnant sa vie, elle avait pu la délivrer de la funeste passion dont elle la croyait dévorée. Le gouverneur de Tobolsk fit éloigner sa suite, et dès qu'il fut seul avec les exilés, il se tourna vers Springer. Il lui dit « Monsieur, depuis que la prudence de la cour de Russie a cru devoir vous envoyer ici, voici la première fois que je viens visiter ce cercle éloigné. Ce devoir m'est doux, puisqu'il me permet de montrer à un illustre proscrit toute la part que je prends à son infortune. Je gémis que ce même devoir me défende de le secourir et de le protéger. Je n'attends rien des hommes, monsieur, interrompit froidement Springer. Je ne veux point de leur pitié, et je n'espère rien de leur justice. Heureux dans mon malheur, de ce qu'ils m'ont placé aussi loin d'eux, je passerai mes jours dans ces déserts, sans me plaindre. Ah, monsieur, reprit le gouverneur avec émotion, pour un homme comme vous, vivre loin de sa patrie est un affreux destin. Il en est un plus affreux encore, monsieur le gouverneur, répartit Springer, c'est de mourir loin d'elle. Il n'acheva point, s'il eût ajouté un mot, peut-être l'infortuné ne voulait pas se montrer moins grand que son malheur. Et Élisabeth, cachée derrière sa mère, regardait timidement par-dessus son épaule si l'air et la physionomie du gouverneur annonçaient assez de bonté pour qu'elle osât s'ouvrir à lui. Ainsi, la craintive colombe, avant de sortir de son nid, élève sa tête entre les feuilles et regarde longtemps si la pureté du ciel lui promet un jour serein. Le gouverneur la remarqua. Il la reconnut. Son fils lui avait souvent parlé d'elle, et le portrait qu'il en avait fait ne pouvait ressembler qu'à Élisabeth. « Mademoiselle, lui dit-il, mon fils vous a connue. Vous lui avez laissé des souvenirs ineffaçables. » « Vous a-t-il dit, monsieur, qu'elle lui devait la vie de son père ?» interrompit vivement Fédora. « Non, madame, répondit le gouverneur, mais il m'a dit qu'elle donnerait la sienne pour son père et pour vous. »« Elle la donnerait, reprit Springer, et cette tendresse est le seul bien qui nous reste, le seul que les hommes ne pourront jamais nous ravir. » Le gouverneur détourna la tête avec émotion. Après un court silence, il reprit la parole en s'adressant à Élisabeth. « Mademoiselle, il y a 2 mois que mon fils, étant à Saïmka, reçut l'ordre de l'empereur de partir sur le champ. » pour rejoindre l'armée qui se rassemblait en Livonie. Il fallut obéir sans délai. Avant de me quitter, il me conjura de vous faire passer une lettre. Cela était impossible. Je ne pouvais, sans me compromettre, en charger personne. Je ne pouvais que vous la donner moi-même. La voici. » Élisabeth la prit en rougissant. Le gouverneur vit la surprise de ses parents et s'écria « Heureux le père, heureux la mère dont la fille ne leur cache rien. » Heureux le père, heureuse la mère, dont la fille ne leur cache que de semblables secrets. Alors il rappela sa suite, et devant elle, il dit à Springer, « Monsieur, les ordres de mon souverain me prescrivent toujours de vous empêcher de recevoir personne ici. Cependant, je suis informé que de pauvres missionnaires, revenant des frontières de la Chine, doivent traverser ces montagnes. S'ils viennent frapper à votre cabane, et vous demander pour une nuit l'hospitalité, il vous sera permis de la leur donner. » Quand le gouverneur fut parti, Élisabeth demeura les yeux baissés, regardant sa lettre, et n'osant l'ouvrir. « Ma fille, lui dit Springer, si tu attends de ta mère et de moi la permission de lire ce papier, nous te la donnons. » Alors, d'une main tremblante, Élisabeth brisa le cachet de la lettre, la parcourut tout bas, et s'interrompit plusieurs fois par des exclamations de reconnaissance et de joie. À la fin, ne pouvant plus se contenir, elle se précipita sur le sein de ses parents. Le moment est venu, leur dit-elle. Tout favorise mes projets. La Providence m'ouvre une route sûre. Le ciel m'approuve et bénit mes intentions. Oh, mes parents, ne les approuverez-vous pas? Ne le bénirez-vous pas comme lui? » À ces mots, Springer tressaillit, car il comprit ce qu'il allait entendre. Mais Fedora, qui n'en avait aucune idée, s'écria « Elisabeth, quel est donc ce mystère? Et que contient ce papier ?» Et elle fit un mouvement pour le prendre. Sa fille osa le retenir. « Oh, ma mère, pardonne, lui dit-elle, je tremble de parler devant toi. Tu n'as rien deviné? Ta douleur m'épouvante. C'est maintenant l'unique obstacle. C'est le seul devant lequel je recule. Ah, permets que je ne m'explique que devant mon père. Tu n'es pas préparée comme lui. » « Non, ma fille, interrompit Springer, ne fais point ce que l'exil et le malheur n'ont pu faire. Ne nous sépare pas. Viens, ma Fedora, viens contre le cœur de ton époux. Et si tu as besoin de force pour les paroles que tu vas entendre, il te prêtera toute la sienne. » Fedora, éperdue, et se voyant comme menacée par la foudre, sans savoir de quelle main elle allait partir, répondit avec effroi. « Stanislas, que veut dire ceci? N'ai-je point soutenu tous nos revers avec courage ?» « Je n'en manquerai point, » ajouta-t-elle en serrant fortement contre son cœur son époux et sa fille. « Je n'en manquerai point contre tous ceux qui m'atteindront entre vous deux. » Élisabeth voulut répondre à sa mère. « Ne le permis pas. »« Ma fille, » s'écria-t-elle avec un accent déchirant, « demande-moi ma vie, mais ne me demande pas de t'éloigner d'ici. » Ces mots disaient qu'elle avait tout deviné. Il ne s'agissait plus de lui rien apprendre, mais de la déterminer. Baignée de larmes et tremblante devant la douleur de sa mère, Élisabeth, d'une voix entrecoupée, laissa seulement échapper ces mots. « Ma mère, pour le bonheur de mon père, si je te demandais quelques jours... »« Non, pas un seul jour, » interrompit sa mère éperdue. « Quel horrible bonheur pourrait s'arracher au prix de ton absence ?»« Non, pas un seul jour. »« Oh, mon Dieu, ne permettez pas qu'elle me le demande. » Ces paroles anéantirent les forces d'Élisabeth. Hors d'état de prononcer elle-même ce qui doit affliger sa mère, elle présente en silence à son père la lettre du gouverneur de Tobolsk, et lui fait signe de la lire. Springer soutint sa femme contre sa poitrine en lui disant « Repose-toi ici avec confiance, car ce soutien-là ne te manquera jamais. » Puis, d'une voix qu'il s'efforce en vain de raffermir, il lit tout haut la lettre suivante, écrite de Tobolsk par le jeune Smoloff et à 2 mois de date.